Mi-février 2003. Chapitre 31e. Le bateau. Jean-Baptiste Girardin était dans le train du retour et il n'était pas très satisfait. Pas uniquement parce qu'une fois de plus, il avait manqué Monique Plantier. Elle avait fait un passage éclair chez elle, mais il avait été averti trop tard. Quand il s'était présenté devant la jolie petite maison, celle-ci lui avait présenté sa façade toujours désespérément close, ce qui l'avait profondément déçu. Aussi avait-il immédiatement décidé de mettre les pouces au moins pour le week-end. Il pourrait en profiter pour se détendre un peu. Il commençait bigrement à saturer, et sa vision sur l'affaire n'était plus suffisamment claire. Il avait la certitude qu'il butait sur un minuscule élément, mais il lui était impossible de déterminer lequel. Pourtant, ce n'était pas faute d'avoir lu et relu le dossier. C'était certainement là le problème. Il le connaissait si bien à présent qu'il ne le connaissait plus. Œil et jugement étaient déformés. Heureusement, il savait d'expérience que ce n'était pas irrémédiable. Avant tout, il devait passer momentanément à autre chose, et cela lui reviendrait. Cela fonctionnait toujours. Le tout était de l'admettre. Pour l'heure, il était absolument inutile de s'entêter sur place. Cela ne donnerait rien. Tout ce qu'il risquait de récolter, c'était de fatiguer les contacts qu'il avait noués, et ce n'était jamais bon. Il devait toujours conserver son étiquette d'enquêteur sympathique, d'autant plus que celle-ci était l'exact reflet de la réalité. Les gens n'aimaient rien plus que se confier à cet homme tout en rondeur. Il inspirait d'entrée la confiance. Il n'avait jamais bien su d'où cela venait. Sans doute de son physique rassurant, solidement charpenté. À l'école déjà, c'était le cas. C'était le bon copain. Curieusement, personne ne l'avait jamais traité de gros. Sans doute parce qu'il était sportif. En son temps, il avait fait un excellent pilier de rugby. Poste qui convenait à sa nature. Il aimait que les gens s'appuient sur lui. Comme souvent, il se retrouvait dans une position qui lui était familière. Il ne percevait plus l'évidence. Pourquoi ? Parce que les détails accumulés au fil des semaines lui brouillaient à présent l'image générale. Or, il ne devait pas oublier la mission première que lui avait assignée Dutilleul. Il devait avant tout retrouver les parents Plantier. Se concentrer sur Monique Plantier n'avait pas été, à proprement parler, une mauvaise idée. Mais elle lui avait fait perdre beaucoup de temps. Même si Dutilleul l'avait appelé pour le féliciter d'avoir retrouvé Caroline Denis Girard, ce n'était pas suffisant. Girardin se connaissait, il pouvait faire beaucoup mieux. C'est pourquoi il allait s'accorder cette petite pause, se laver les yeux. Il le fallait vraiment. Il ne cessait de penser à cette si jolie gamine tombée dans l'escalier. Les clichés du corps disloqué repassaient sans cesse dans son esprit. Il avait sa propre opinion sur l'affaire, mais il savait qu'il ne devait pas en tenir compte, même s'il s'accordait pleinement avec Dutilleul pour trouver l'affaire bizarre. Comme lui avait dit un vieux de la vieille en tout début de carrière, il fallait toujours se concentrer sur les faits, passer et repasser en revue les éléments réunis. Seul l'enchaînement précis des faits donnait le schéma général. Seulement, comme tout ceci ne le menait à rien, il avait choisi de se rappeler qu'il avait une très gentille épouse et deux beaux enfants. Il adorait Céline, sa femme, car elle faisait preuve en toutes circonstances d'une patience exemplaire. Il lui disait souvent, sans même plaisanter, qu'elle aurait fait une merveilleuse enquêtrice. Elle en avait toutes les qualités, patiente, organisée, une bonne mémoire et surtout, elle était tenace. Le second, Lucas, en faisait régulièrement les frais. À 5 ans, il cherchait, comme tous les enfants, à affirmer sa personnalité. Aussi eurent-ils droit à la première grosse colère. Mal lui en avait pris, car Céline, sans aucune violence ni cri, avait rapidement expédié le colérique dans sa chambre. Elle lui avait expliqué, d'une voix très calme, qu'il aurait à s'excuser une fois qu'il serait calmé. Ensuite, elle avait vaqué à ses occupations, jetant tout de même un œil discret une fois de temps en temps vers la chambre. Au bout de 2 heures, le garnement était réapparu avec son doudou et Jean-Baptiste avait pu admirer une fois de plus la maîtrise de sa femme, car Lucas, du haut de ses 5 ans, s'était bel et bien excusé. Le train ayant accumulé un retard certain, problème récurrent de caténaire, Girardin ne rentra chez lui que vers 10h30. Céline l'attendait devant la télé. Les enfants étaient au lit depuis longtemps. Girardin, trempé, jeta machinalement un regard à l'écran. C'était « Que la bête meure » de Claude Chabrol, un de ses films préférés. Soudain, il se figea sur place. L'élément qui lui manquait depuis des mois était devant lui. Il vit la grande silhouette blanche. C'était la toute fin du film. Le héros avait choisi son destin. Girardin, tout haut, se traita de triple imbécile. Il avait bien vu la photo du bateau dans le dossier. Si ses renseignements étaient exacts, il s'agissait d'un first de Beneteau. Vu son métier, Pierre Plantier devait avoir les moyens. Ensuite, Girardin se souvint. Il avait acheté le bateau juste avant l'accident. Le nom était même mentionné, le Goéland. Pour l'époque, cela représentait un bel investissement, tout comme aujourd'hui. Naturellement, il y avait très peu de chances qu'il l'ait conservé. Mais Girardin ne perdait rien à essayer, surtout qu'en l'occurrence, il savait parfaitement où s'adresser. Il se sentit soudain plus léger. Il avait fait une bourde de taille, mais celle-ci pouvait peut-être encore être réparée. Il lui suffisait d'appeler Yann Le Joff. Si un bateau de ce type était encore en circulation, lui le saurait. Il battrait le rappel de tous les clubs au besoin. De toute façon, Girardin l'avait sorti d'un tel pétrin dans le passé qu'il ne se ferait certainement pas prier pour l'aider. Il ne fut pas long à trouver son numéro de téléphone dans son précieux petit carnet et, coup de chance, Le Joff était chez lui. À première vue, comme cela, la chose ne lui disait rien, mais il allait se renseigner. Girardin commença à se relaxer. La filature de Thérèse Turandot se mit en place dès le lendemain. Le mûrier fut désigné pour cette tâche et il ne fut pas long à rendre son rapport. Le soutien habitait, coup de chance, un joli petit immeuble rue de Lourmel. La fille se présenta à 14h et ne quitta l'immeuble qu'à 18h. Le mûrier était resté en planque toute l'après-midi et avait soigneusement surveillé les allées et venues. De vieilles dames étaient sorties vers 15h30. À 16h, c'était une jeune fille qui avait l'air d'une étudiante. Le mûrier avait noté qu'elle était revenue peu avant 18h. À 16h40, c'était le tour de deux nounous qui avaient été récupérés des enfants à l'école. Ensuite, un homme d'une cinquantaine d'années était sorti à son tour. Peut-être n'y avait-il rien de remarquable pour une première surveillance, mais Dutilleul était convaincu qu'il devait continuer. Il fallait identifier tous les habitants de l'immeuble. Si le mûrier se révélait insuffisant, il ferait revenir Girardin, dont il fallait bien dire qu'il avait peu de nouvelles. Journal, extrait numéro 8. Cher grand-père, la cohabitation avec Tiphaine ne se passe pas trop mal, sauf que vraiment, elle est dure à la comprenette. L'aider pour sa dissertation relevait vraiment de l'exploit. Pour te la faire courte, elle n'entrave que dalle. La chose ne peut être étonnante quand on fait comme elle l'impasse sur tous les livres recommandés. Pourtant, elle n'est pas à proprement parler une fainéante. C'est autre chose. Rien ne l'intéresse. Puis elle est si molle. Elle met un temps infini à faire les choses. Sinon, elle n'est pas embêtante. Elle ne passe pas son temps à bavarder, et c'est tant mieux car, comme tu le sais, j'ai besoin de silence. Quant au correspondant allemand, tous les garçons qui ont fait le déplacement présentent une belle collection de boutons, ce qui n'est pas un spectacle bien ragoûtant. Petra n'est pas là. Il semblerait qu'elle se soit cassée une patte au ski. Dommage car elle est vraiment sympa. Elle m'a promis de m'inviter à Lüningen un de ces jours. Je crois que le coin est plutôt joli, et je me ferai bien un petit périple en Allemagne, du moins en supposant que papa soit d'accord, ce qui n'est pas gagné. En revanche, maman est enfin sortie de l'hôpital. Il paraît que cela va mieux. J'espère que c'est vrai. J'attends qu'elle m'appelle. Sa voix me renseignera mieux que tout. Les cours continuent et Séverin est toujours si prévenant. Tu sais quoi? Il m'est vraiment utile, le bougre. Surtout que Janson, le nouveau prof de maths, un vieux de la vieille assez matois, qui vient visiblement finir sa carrière aux Tournelles, nous a sorti un de ses devoirs. Juste histoire de nous tester, qu'il a dit. Tu parles. Une vraie vacherie. J'ai bel et bien dû mouiller ma chemise, mais au moins il m'a félicité. Tu auras vu les notes. Nous avons eu droit, comme d'habitude, à une ribambelle de 7, très douteux, sauf que cette fois Janson a innové. Il a rajouté des plus et des moins. Beaucoup se sont retrouvés avec 2 ou 3 sur leur copie. Je pense qu'ils ont parfaitement compris ce que cela voulait dire. En revanche, j'avoue que cela m'a fort mécontenté. Sabine Le Pape a décroché un 12, ce qui est bien trop pour elle. Vu la dureté du devoir, elle n'a pas pu être pistonnée. Sera-t-elle meilleure que je ne le pensais? Toujours dangereux de sous-estimer ses adversaires. Heureusement que pour ma part, j'ai décroché un 18, d'autant plus flatteur que Janson a pinaillé. Enfin, il s'est rattrapé par son commentaire. On frôle la perfection, ce qui de sa part n'est pas un petit compliment. Du coup, comme visiblement il était content de moi, il m'a montré deux ou trois subtilités à utiliser dans le futur. Il a un sens inné du raccourci et il peut m'apprendre beaucoup. En revanche, du côté de Goudreau, c'est le froid sidéral. Il a osé ne me mettre qu'un 15 à mon dernier devoir. Même Séverin en était vert. Il m'a toutefois conseillé de faire provisoirement le gros dos. Si j'ai bien capté le bonhomme, cela ne m'étonnerait pas qu'il en touche deux mots à Madrier à l'occasion. Je sais qu'il se voit régulièrement pour faire le point, ou plutôt pour se boire une bonne bière. Je les crois tous deux très satisfaits d'eux-mêmes, et pourquoi pas? Du moment que j'y trouve mon petit bénéfice, il n'y a rien de mal. Assez parlé boutique. Il faut que je te parle à présent de mon nouveau projet d'action. Surtout que je t'avais laissé sur ta faim, mais que veux-tu, avec Tiphaine dans les parages, ce n'est plus si facile de t'écrire. Enfin, assez parlé de cette nouille. Je t'avais dit que j'avais une maison en vue, et je te le confirme. Je pense que ça va être que du bonheur absolu à détruire. Si tu voyais ça, c'est d'un vulgaire. Un florilège de couleurs mal assorties. Si j'étais le futur propriétaire, je virerais le décorateur sur le champ. Il a une désastreuse prédilection pour le mariage mandarine mauve. Bref, une véritable horreur, une insulte faite au bon goût. Pour ma part, j'aurais l'impression de vivre dans un rouleau de papier hygiénique. Tu vois donc que j'ai de solides motifs pour détruire cette cible-là. Surtout qu'en fait, le monsieur semble pressé. Je suis sûr qu'il fait travailler les ouvriers le week-end. Fait aggravant, il semble bien qu'il va y avoir des glaces partout. Sans doute la nostalgie de Versailles. Bref, cela va être moche à souhait, un véritable massacre. Le fond du bassin du spa a droit à une mosaïque pseudo-antique. À ce que j'ai pu voir, cela ressemble vaguement à un hommage à Bacchus. Les murs, tu t'en doutes, seront recouverts de mandarines et blancs ainsi que raffinements supplémentaires de dorures. Certaines poignées de portes sont déjà montées. Tu te demandes sans doute comment je suis parvenu à glaner autant de renseignements. Ça, vois-tu, je ne te le dirai pas, car c'est mon petit secret. Tu ne crois tout de même pas que je vais tout te dire. Est-ce qu'un jour, toi, tu m'as fait part de tes vilains petits secrets? Non. Alors pourquoi devrais-je en faire autant? Tu devrais déjà t'estimer content que je t'écrive. Ça me sert au moins à te démontrer que, contrairement à ce que tu pensais, j'ai une cervelle, et que mieux, je m'en sers. Je me délecte à imaginer combien cette confession doit te rendre malade. Qu'une fille se permette de te défier, toi. Eh bien oui, mon vieux. Le pire, c'est que la faute t'en incombe entièrement. Il fallait détruire le petit cahier bleu, mais ça, ton stupide orgueil masculin ne pouvait s'y résoudre. Il était le seul témoignage tangible de ce que, pendant quelques années, tu avais été. Tu en étais si insupportablement fier. Tu nous regardais avec un tel mépris, moi et maman. Comment nous appelais-tu déjà? Ah oui, cela me revient, les femelles. Toute petite déjà, j'avais parfaitement compris ce que tu entendais par là. Tout juste bonne à se reproduire. Quel hommage. Grand-mère devait être soit une sainte, soit très bête, de t'avoir supporté aussi longtemps. Pour ma part, j'ai toujours penché pour la seconde solution. Certes, elle était très gentille, mais franchement, elle n'avait pas inventé l'eau tiède. Tu l'as épousée pour son fric, et parce que tu as compris très vite qu'elle ne te demanderait rien. C'était une nature heureuse qui se satisfaisait d'un confort de base. Il est vrai que tu le lui as toujours donné. La pension de grand-mère n'a jamais souffert le moindre retard. Je me rappelle encore ton air compassé quand tu lui remettais sa petite enveloppe, ainsi que la petite phrase qui se voulait humoristique, mais qui n'était en fait que l'un de tes nombreux automatismes. Pas de folie. Comme s'il avait été dans la nature de grand-mère d'enfer, elle qui sortait tout juste de son couvent de province. De quoi pouvait-elle donc avoir besoin? Elle n'était pas comme tes nombreuses maîtresses. Elle n'avait pas les dents longues. La seule chance qu'elle a eue, en revanche, c'est que tu étais avare. Tu as toujours eu du mal à mettre la main au porte-billet, et beaucoup s'y sont cassés les dents. Tu as toujours su si habilement promettre. C'est pour cela que tu faisais dans les naïves. Eh oui, tu vois, je suis au courant de cela aussi. Encore une de tes fautes. Tu n'as pas voulu détruire les lettres de tes conquêtes. Sans doute les relisais-tu une fois de temps en temps, toujours pour flatter ton orgueil démesuré. C'est par ce biais que peu à peu, après ton décès, j'ai fini par te connaître, te découvrir. Tu les aimais jeunes et presque incultes. J'ai rapidement saisi aussi que tu étais parfaitement indifférent à la beauté et que tu n'avais pas de type de prédilection. Tout comme tu n'avais pas de terrain de chasse attitré. Les liaisons étaient aussi courtes que nombreuses. Très souvent, il n'y a pas plus d'une ou deux lettres. Je les ai toutes lues, si tu veux savoir. Bourré de fautes d'orthographe, une calligraphie à peine formée, et rien finalement que de très innocent, à part que j'ai appris à l'occasion que tu faisais beaucoup dans le mouchoir, pas même brodé. Il est sûr qu'ainsi ta bourse ne courait guère de danger. Seule frustration, impossible de savoir ce que sont devenues toutes ces demoiselles. Restent leurs prénoms un peu passés, Clotilde, Marguerite, Lucienne ou encore Noémie. Tu peux imaginer le choc quand j'ai découvert ton trésor. J'avais 13 ans. Tu venais de faire ta crise cardiaque et c'était si soudain que papa et maman étaient complètement dépassés. C'est pourquoi j'ai été réquisitionné pour trier ton bureau. Curieux choix, uniquement dicté par les circonstances, ça je peux te l'assurer. Après tout, pour nous, tu n'étais qu'un vieux monsieur de 78 ans. Papa dut penser, en toute bonne foi, que tu n'avais guère de choses à cacher. S'il avait su... Que veux-tu, papa est comme ça. Je crois qu'il a hérité d'une bonne part de la naïveté de grand-mère et de ton orgueil démesuré. Cocktail explosif, qui explique qu'il n'ait jamais fait grand-chose. Au plus profond de toi, il a tout de même dû représenter ton plus gros échec. C'est ça le problème quand on mise tout sur un seul cheval. N'aimant pas les enfants, tu as fait le minimum syndical. Il a bien fallu que tu t'en contentes par la suite et que tu remises d'autant tes rêves de grandeur. Je n'ai pas de mal à imaginer ta frustration, bien que tu aies mis un peu plus de soin pour la dissimuler. Revenons plutôt au trésor. J'ignore comment, mais j'ai immédiatement compris tout le profit que je pouvais en tirer. Le cahier m'a permis de te comprendre même si c'était un peu tard. J'ai alors mesuré toute ta haine, et j'ai décidé de te la rendre, coup pour coup. Vois-tu, il n'était pas question que tu trouves le repos dans l'au-delà. La chose était bien trop facile. Je voulais que tu contemples l'intégralité de ta défaite, te montrer que, si elle en a le désir, une femme peut faire aussi bien, voire mieux, qu'un homme. Surtout que là, permets-moi de te le dire, j'ai quelques avantages sur toi. Outre d'être terminal, je passe volontiers pour jolie. Cela me permet de manipuler les êtres de l'autre sexe, tels de vulgaires marionnettes. Du moment que je promets de baisser un jour ma culotte, ce que bien sûr je ne ferai jamais. Tiens-toi pour dit une bonne fois que je ne me donnerai vraiment qu'un égal, un être à qui je pourrais faire partager mes secrets en toute confiance. Rien à voir en tout cas avec les minables que je côtoie actuellement. N'espère pas revivre d'une quelconque façon à travers les enfants que je pourrais avoir. D'abord, je ne souhaite que des filles. Je ne veux pas mettre au monde un coq qui pourrait te ressembler de près ou de loin. Surtout que si, comme on le raconte, cela saute une génération... C'est prendre un bien trop gros risque. Je ne veux pas d'un roitelet arrogant devant qui tout le monde doit s'agenouiller. Je ne veux pas risquer un jour d'être regardé à nouveau comme tu me regardais, avec ce mépris sans borne qui me faisait sentir comme une moins que rien, alors que je ne t'avais jamais rien fait. Déjà toute petite, tu me persécutais. Tu me regardais tel un insecte répugnant. Tu pensais sans doute que je ne m'en rendais pas compte. Grossière erreur. J'ai immédiatement saisi ton hostilité latente. C'est également pour cela que j'ai accepté si facilement d'intégrer les tournelles. Au moins, j'étais loin de toi. Je ne supportais plus les repas en famille du dimanche. Tu n'apportais jamais rien, et tu trouvais toujours à redire sur tout. Le plus amusant, c'est que cela ne t'a jamais empêché de t'empiffrer. On te réservait toujours les meilleurs morceaux à cause de ce stupide respect dû à l'âge. Combien de fois j'ai vu pleurer maman après ton départ, et papa, impuissant, qui restait les bras ballants. Je te jure bien que si j'avais été plus grande, je l'aurais giflé de se montrer si lâche, de ne pas te dire ton fait une bonne fois. Toutes ces souffrances, pourquoi ? À cause d'un maudit chèque, une fois de temps en temps, histoire de maintenir la boîte de papa à flot. Le prix à payer en retour était exorbitant. Si tu veux vraiment tout savoir, cela ne m'a rien fait quand ton cœur t'a trahi. J'ai simplement pensé que lui aussi en avait eu marre. Quand j'ai trouvé ton précieux petit carnet, j'ai tout de suite compris tout le parti que je pouvais en tirer dès lors. Je n'ai plus qu'une obsession, reconstituer un club 23 le plus rapidement possible. Crois-moi, j'ai choisi chaque nombre avec le plus grand soin. J'avais hâte de pouvoir enfin te défier sur ton propre terrain. Coup de peau, j'ai rapidement trouvé ceux dont j'avais besoin. Un peu de verre brisé, l'affaire était dans le sac. J'ai tout de suite fait plus fort que toi en insistant bien sur le côté parfaitement gratuit de nos actions. Et je me suis assuré que les garçons avaient bien capté le message. Il n'y a rien de bassement matériel dans ma démarche. C'est juste un défi entre toi et moi. Et pour le fun aussi. Juste pour le plaisir de voir où les garçons sont capables d'aller pour moi. Assez pour aujourd'hui.